Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces auto Lavoie Baudry Napa, 890 3e rue Chibougamau, 418-748-6426. L'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa de Chibougamau souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec notre ami Michel Lallemand, le directeur général. Salut Michel. Bonjour Danny. Michel, en fin de semaine, c'était la première ronde des champions en fin de semaine et je pense qu'on a eu un trou de prolongation, c'est ça? Exactement. Dans des conditions assez difficiles, ouais. Avec beaucoup de vent. En classe 1, c'est Marc-Olivier Bougie avec 78. Qui a gagné au premier trou de prolongation contre notre junior local en développement, Julien Filion. Okay. Excellente performance des deux golfeurs. On avait une vingtaine de participants. Dans les conditions, c'est quand même très bien. Là. OK. Ensuite de ça, la deuxième ronde va avoir lieu quand? Hein? La deuxième ronde va avoir lieu samedi le 1er juillet. OK, donc la journée de la Confédération. Ce qui s'en vient également, il y a un tournoi de Calcutta pour les membres, ça va avoir lieu samedi qui s'en vient. Parle-moi de ça. Ouais. C'est un peu comme une ouverture locale pour les membres. OK. Ça fait 2 ans qu'on fait une formule 4 balles, meilleure balle. C'est un tournoi de participation. Généralement, on regroupe entre 50 et 60 joueurs pour cette journée de qui va se tenir samedi le 17. OK. Ensuite de ça, il y a la soirée des dames aussi qui va avoir lieu le 20 juin. Ça approche. Oui. Donc, il y en a eu une le mardi de cette semaine. OK. C'était une première. C'est un jeune éducateur physique qui est un golfeur chez nous, Jean-Philippe Girard, okay, qui donne des cours de golf. Et on a parti une formule qui est un peu similaire à beaucoup d'autres clubs. Donc, on invite les dames le mardi, autant les membres que les non-membres. C'est un petit peu venir se familiariser avec le golf, un petit peu au terrain d'exercice, un petit peu sur le terrain, et on finit ça avec une petite consommation à l'intérieur du chalet. OK. Ça, le moi, le mettre dans les bars quand c'est une soirée des dames, mais c'est pour attirer des matous. Est-ce que ça, c'est fait pour ça aussi? Non, c'est vraiment fait pour essayer de démocratiser le golf. OK. Puis rendre ça accessible au niveau féminin. Parce que amener un membre masculin qui a déjà pratiqué beaucoup de sport, c'est assez facile de le convaincre de venir jouer au golf. OK. Mais au niveau féminin, c'est beaucoup plus difficile. Ben c'est oui. Très technique. Ça demande beaucoup de pratique. Et les dames qui ne connaissent pas le golf ne seront pas portées à venir l'essayer. Fait que dans une formule amicale comme celle-là, c'est la meilleure façon de rendre le golf très accessible à la clientèle féminine. Bon, donc c'est très, très intéressant, évidemment. Comment il y a eu le monde à la première? Comment 18 dames mardi, okay, malgré une température très froide et beaucoup de vent, mais les commentaires ont tellement été positifs qu'on récidive mardi prochain le 20. OK. Donc, c'est intéressant. Autre activité également à venir, je pense que c'est la soirée. Il y a toujours les vendredis, c'est écorce au club de golf de Chibougamau aussi. Oui, c'est une nouveauté aussi en collaboration avec notre traiteur, les Bancaines et Camille. Tous les vendredis, c'est ouvert à toute la population. Les gens peuvent venir, sont les bienvenus au club de golf. dans une très belle ambiance, avec la terrasse, le barbecue. Les gens font cuire leur steak, donc ils peuvent profiter de nos facilités tous les vendredis soirs. OK. C'est le US Open en fin de semaine. Je devrais en parler avec Rémi Bouchard demain, mon spécialiste de golf. Je sais que tu es un grand amateur, tu manques jamais de tournoi. Qui va gagner? Ouais. Moi, je pense que Speed, c'est à surveiller. Ça fait 2-3 tournois qu'il y a de la misère à coller 4 rondes ensemble. Mais ça fait 2-3 tournois qui figurent très, très bien dans au moins 3 rondes sur 4. Okay. Moi, j'ai l'impression qu'il va être certainement un des tops à surveiller. Et Dustin Johnson, qui n'est pas le numéro 1 mondial, pour rien non plus. Ben oui, donc on va surveiller ça de très très près, c'est demain, donc ça commence aujourd'hui d'ailleurs, puis demain... Ça commence aujourd'hui, depuis ce matin, ouais. Depuis ce matin que c'est parti. Ouais, demain et lundi, on va parler avec nos spécialistes de golf. Normalement, ça devrait être Rémi Bouchard, sinon Serge Cloutier. On s'en reparle jeudi prochain, Michel? Toujours un plaisir, mon ami Danny. Michel Lallemand, le directeur général du club de golf de Chibougamau.